Chapitre 142. La recommandation de dire Yarhamukallah à celui qui dit Alhamdulillah après avoir éternué, mais ne rien dire s'il ne le dit pas. Et les règles concernant l'éternuement et le bâillement. 878. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Allah aime l'éternuement et déteste le bâillement. Par conséquent, lorsque l'un d'entre vous éternue, puis dit « Louange à Allah, alhamdulillah », il est du devoir de tout musulman qui l'entend de lui répondre « Qu'Allah te fasse miséricorde, yarhamukallah ». Quant au bâillement, il provient du diable. Si donc l'un d'entre vous a envie de bâiller, qu'il se retienne autant que possible, car lorsque l'un d'entre vous bâille, le diable se rit de lui. Al-Bukhari. 879. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: lorsque l'un d'entre vous éternue, qu'il dise « Louange à Allah » et que son frère ou son compagnon lui dise « Qu'Allah te fasse miséricorde », en réponse qu'il lui réponde « Qu'Allah vous guide et améliore votre situation ». Al-Bukhari. 880. Abu Musa, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: lorsque l'un d'entre vous éternue et dit « Allah soit loué, alhamdulillah », répondez-lui « Qu'Allah te fasse miséricorde, yarhamukallah ». Mais s'il ne loue pas Allah, ne lui répondez rien. Muslim. 881. Selon Anas, radiyallahu anhu, deux hommes éternuèrent en présence du prophète, alayhi salatu wassalam. Il dit à l'un d'entre eux « Qu'Allah te fasse miséricorde, yarhamukallah », mais ne dit rien à l'autre. Ce dernier le lui fit remarquer en disant « Tu as invoqué la miséricorde d'Allah en faveur d'un tel lorsqu'il a éternué, mais tu ne l'as pas fait pour moi. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit « Il a loué Allah alors que tu ne l'as pas fait. » Al-Bukhari et Muslim. 882. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, lorsque le messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam, éternuait, il mettait sa main ou une partie de son vêtement sur sa bouche pour contenir ou atténuer ainsi le bruit. Abu Dawud et At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih ». 883. Selon Abu Musa, radiyallahu anhu, les Juifs éternuaient volontairement en présence du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, espérant ainsi qu'il leur dirait « Qu'Allah vous fasse miséricorde, yarhamukumullah ». Mais lui, alayhi salatu wassalam, se contenter de leur dire « Qu'Allah vous guide et améliore votre situation. »« Yahdikumullah wa yuslihu ba'alakum. » Abu Dawud et At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih. » 884. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Lorsque l'un de vous se met à bâiller, qu'il mette sa main devant sa bouche, sinon le diable pourrait y entrer. » Muslim.